Nous avons tous à l'intérieur de soi un enfant intérieur qui peut être représenté à plusieurs âges de notre vie, 4 ans, 6 ans, 12 ans, 17 ans. Il vit souvent enfoui, c'est un être blessé qui ne demande qu'une chose, c'est que l'on prenne soin de lui, que l'on prenne contact avec cet enfant qui essaye par tout moyen et souvent par des émotions douloureuses de témoigner sa présence, mais souvent nous tentons de faire taire ses émotions de colère, de tristesse ou de peur. Or, nous devons reconnecter avec les blessures de ce passé d'enfant pour enfin nous réaliser pleinement. Parce que comment pouvons-nous avoir une vie heureuse, joyeuse, aimée, heureux quand une partie de nous a vécu des blessures de manque, d'abandon, de rejet, de reconnaissance et de bien d'autres choses. Alors nous allons chercher à l'extérieur de nous comment combler toutes ces choses qui nous ont tellement manqué dans l'enfance. Et nous allons les chercher à l'extérieur avec un partenaire qui nous fera revivre les mêmes émotions douloureuses et avec des possessions qui finalement ne rempliront jamais ce rôle tant que nous aurons ces blessures à l'intérieur de nous-mêmes. Alors pour se reconnecter à cet enfant, eh bien je vous propose cette méditation guidée. Je vous conseille de la faire allongée sur un lit, confortablement installée, avec une couverture pour ne pas avoir froid, ou assis sur un fauteuil, les pieds nus ou avec des chaussettes mais pas de chaussures, les pieds bien à plat, le dos bien droit sans le déposer sur le support, gardez votre dos droit, les mains posées sur les cuisses. Et si vous voulez, eh bien nous allons commencer. Maintenant, vous êtes confortablement installé. Vous allez porter toute votre attention sur votre corps. Vous allez sentir tous les muscles de votre corps s'abandonner complètement et entièrement sur le support. Vous allez laisser vos paupières se refermer lentement, tout doucement. Et vous allez concentrer votre attention sur votre respiration. Prenez le temps de bien inspirer l'air à travers vos narines en gonflant votre ventre, puis d'expirer profondément par la bouche. En dégonflant progressivement votre ventre. Prenez conscience de l'air qui entre par votre nez, qui descend le long de vos poumons pour aller jusqu'en bas de votre ventre, qui se gonfle, les poumons se remplissent, toute la cage thoracique est gonflée d'air. Marquez un petit temps d'arrêt et lentement, vous allez souffler lentement par la bouche et sentir l'air s'échapper pendant que vos poumons se vident. Puis c'est au tour de votre ventre de se vider entièrement et complètement. Faites encore une autre respiration profonde et ample. En prenant le temps, tout doucement. Puis, vous allez porter votre attention sur vos pieds, la plante de vos deux pieds. Vous pouvez sentir des fourmillements, de la chaleur. Comme une petite vague bienfaisante, une vague de relaxation qui va peu à peu relaxer l'intégralité de votre corps. À mesure qu'elle remontera, vous allez sentir un à un les muscles de votre corps devenir de plus en plus mous, de plus en plus légers. abandonné complètement à cette relaxation profonde. La vague bienfaisante est dans vos pieds, vous la sentez partout. Elle remonte le long de vos chevilles, dans vos mollets, vos genoux, le long de vos cuisses, jusqu'en haut. Cette vague entoure votre bassin, vos hanches, vos fesses. Vous la ressentez dans votre ventre. Puis, elle remonte le long de votre dos, tout doucement le long de votre colonne vertébrale, pour arriver jusqu'aux épaules. Puis, la retrouver dans votre poitrine. Tous les muscles de votre poitrine se détendent. Vous relâchez une à une toutes les tensions. La vague remonte jusqu'à vos épaules. Maintenant, vous pouvez sentir au bout de votre main droite des petits picotements et une chaleur douce arriver au bout de vos doigts. Puis remonter dans votre paume et sur le dessus de votre main jusqu'au poignet. Le long de vos avant-bras, votre coude, puis tout votre bras jusqu'aux épaules. Maintenant, c'est la main gauche qui ressent les petits picotements, signe de l'arrivée de cette vague bienfaisante, relaxante. Maintenant, elle est dans toute votre main. Elle remonte jusqu'au poignet, tout au long de l'avant-bras, votre coude, l'intérieur de votre coude et votre bras jusqu'aux épaules. Vous êtes bien. Tout votre corps est complètement détendu, relâché. La vague maintenant reprend son chemin en enveloppant vos épaules. Elle remonte le long de votre nuque, dans votre cou. Tous les muscles du cou se relâchent et se détendent. Complètement. Maintenant, la vague envahit tout votre visage et votre tête. Vous sentez le front devenir lisse et se relâcher complètement. Les paupières, les muscles autour des yeux se relâchent. Le nez, la bouche, vos lèvres se relâchent, la langue se relâche, les joues. Vous êtes entièrement détendu. Sentez la vague aller jusqu'au bout de vos cheveux. vous êtes bien. Vous êtes très bien. Maintenant, vous allez voir une prairie magnifique, pleine de petites fleurs multicolores. Il fait beau, vous sentez le soleil sur votre visage, le vent dans vos cheveux, vous sentez l'air rempli du parfum des fleurs, du soleil et du vent. Devant vous, il y a un enfant. Vous pouvez le voir. Il avance dans votre direction. Vous connaissez cet enfant. Pendant qu'il avance, rappelez-vous, quel âge a cet enfant ? Réfléchissez à ce qui lui a le plus manqué à cet âge-là, auquel il vous apparaît aujourd'hui. Est-ce que c'est de l'amour, de l'attention, de la douceur, de la reconnaissance, de la valorisation? De la compréhension. Trouvez ce moment où cet enfant était malheureux à cause de ce qui lui manquait terriblement. Là, dans votre cœur, vous pouvez ressentir toute la souffrance qu'il ressent. Regardez cet enfant qui s'approche de plus en plus. Laissez venir les images sans chercher à les contrôler. Ressentez les émotions de cet enfant. Comment est son visage? Qu'est-ce qu'il exprime? De la tristesse? De la peur? De la colère, laissez-le s'approcher. Ne bougez pas. L'enfant ne marche plus dans votre direction. Il a tourné pour aller sur un banc qui se trouve là, dans cette prairie. Il s'assoit sur le banc, ou peut-être à côté, ou en dessous. Peut-être aussi qu'il ne s'assoit pas. Allez le rejoindre et allez vous asseoir sur ce banc. Dites-lui bonjour. Ne vous inquiétez pas s'il ne veut pas vous regarder. Ou s'il semble méfiant, il a besoin d'être en confiance. Dites-lui que vous êtes là pour lui. Dites-lui que vous l'aimez. Que vous regrettez de l'avoir ignoré pendant tant d'années. Et que maintenant, vous êtes et serez toujours là pour lui. Demandez-lui de vous pardonner. Dites-lui que ce n'est pas de sa faute. Il n'était qu'un enfant. Demandez-lui ce dont il a besoin. Et écoutez-le. et s'il vous offre son regard, plongez à l'intérieur pour lui témoigner toute votre empathie et toute votre compassion. Montrez-lui avec vos yeux tout l'amour que vous avez pour lui. Sentez votre cœur s'ouvrir. Demandez-lui la permission de le prendre dans vos bras pour le consoler. Prenez-le dans vos bras et savourez ce moment où vous vous abandonnez en sentant votre cœur devenir de plus en plus grand, s'ouvrir à un amour infini. Vous pouvez ressentir une lumière d'amour entrer par le sommet de votre tête, aller jusque dans votre cœur et traverser votre poitrine pour rejoindre celle de votre enfant intérieur. Serre-le fort contre vous. Dites-lui que vous l'aimez. Dites-lui ce que vous ressentez. Parlez-lui tout seul. Prenez votre temps. Et s'il se méfie et vous tourne le dos, laissez le temps à cet enfant de vous reconnaître. Dites-lui que vous l'aimez tel qu'il est. Prenez tout le temps qu'il faut. Soyez patient. Quand vous ressentirez que cet enfant est complètement rassuré, que la paix est enfin en lui, qu'il a retrouvé le sourire, remerciez-le. Dites-lui que vous viendrez le voir, que vous prendrez soin de lui. Et vous le laisserez repartir. En le regardant jusqu'à ce qu'il disparaisse. S'il se retourne, faites-lui un signe de la main. Ressentez maintenant ce qui se passe dans votre cœur. Comment vous sentez-vous? Maintenant, vous allez revenir peu à peu ici, maintenant, en remuant légèrement le bout de vos orteils, puis le bout de vos doigts. Vous allez prendre une profonde inspiration, puis expirez profondément. Et quand vous serez prêt, vous ouvrirez les yeux.